Thank you.

We'll be right back. dreaming it in the right track, feeling it in my mind back, seeing it every day, every day. This is the time of the revolution, keeping it in the right track, feeling it in my mind back, seeing it every day. I wake up and my mind's out. Never again will I sell out, converting vegetarians into the midnight, giving it to you. I don't know, it just feels right, and my mind's out. Never again will I sell out, converting vegetarians into the midnight, giving it to you. I don't know, it just feels right. quand même bien de pouvoir jouer comme ça la nuit. Parce que tu fais ça avec la lampe, avec les voisins et toutes les commandes. We'll be right back. C'est qui joue là? Si, il y avait. Tout à l'heure, à Carrefour, il y avait une gamine qui faisait la manche devant le magasin. Tell my wife I love her very much. She knows. des bijoux. You don't need très chaud. Facebook. Bon, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils font sur les autres serveurs. Tu restes par là. Je vais voir, attends, je regarde. Tiens, je vais voir. Il y a du monde sur le 2049. batteur, apparemment. Je sais pas si c'est une machine, mais il joue bien, le mec. Je crois que c'est un batteur. Oh, mais cette PA, 2049. Il manque juste un peu de basse. Mais j'ai pas envie de jouer. Puis ça fait du bruit, c'est tard. Ben, viens faire un tour, vite fait, si tu as le temps. Sur le 2049. Attends. Oui. Sur le ninbot.com. Fly me to the moon. Let me play